nazo tsiko zalanga nazo kumalo kola yo una fanda mingi na bato nazo lokote na préféré na vanne pai na yo pour na zoyo na metuni ba question pourquoi na la vie zalaka oye akamba zalaka pete pourquoi koma kapasi est mal la vie na nga yo ce n'est pas la France oh il parle la puissance mais pas ton esprit moi j'ai pitié. Sibiyan ni singeli yosa, upangusi maile miso, molongoli la bakwalita ma moka musiba pota ya mitema seyo opango sima ina miso olongoli la bakwalita ma moka musiba pota molongoli susie